salut à tous et bienvenue dans Radio Campus Montpellier. Enfin, bienvenue sur Radio Campus pour être donc. Cette émission commence parfaitement. Donc, bienvenue sur Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du. Du comics ? Ouais, hein, c'est toujours le même qui suit, tu sais. J'ai révisé. Mais moi, j'aime qu'on me fasse une entrée d'artiste, tu vois. Ça, je donc, vous l'avez entendu, bah, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu, ça va ? Ouais, un peu enrubé. Donc, il y aura un peu des baies, des bassets comme ça, mais bon, on va faire un effort. D'accord. Et avec Faye ? Oui, bonjour. Et c'est Arnaud à la technique, merci Arnaud. Et avant de commencer l'émission, j'ai promis à quelqu'un de faire quelque chose, donc ça va être un gag visuel sur de l'audio. C'est pour toi Valentin. Voilà, je l'aurais fait. Et on va enchaîner direct. Et aujourd'hui, on va vous parler. C'était magnifique. On dira même pas ce qu'il a fait. Ouais, on dira pas ce que j'ai fait. C'est trop. On remet le pantalon quand même. On se déçoit. Ils en ont honte. On va partir sur les news et on vous dira après de quoi on parle en fait. C'est trop décousu cette émission. Allez, les news. On le dira jamais assez, ce générique est génial. Et on va commencer avec une news un peu triste, donc on va demander la petite musique triste qui va bien avec. Et donc je sais que tu n'en as sûrement pas entendu parler, Mathieu, ça te fait marrer du coup. C'est l'heure qui est très grave, c'est la fin d'une époque. C'est la fin de toute une ère. Bah, je sais bien qu'un Juppé, il te plaisait, mais bon, quand même. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu parles de la mort du prêtre de Firefly ? Non, ce n'est pas cette mort-là. Ce n'est pas la mort de Fidel Castro. Ce n'est pas l'échec de Alain Juppé à la primaire de la droite. C'est zone téléchargement. Ce n'est pas la fin de zone téléchargement non plus. Vous pourrez même pas aller sur zone téléchargement pour vous consoler. C'est le réseau Arts qui est fini. Donc, on avait accueilli il y a la semaine dernière le patron, donc Sullivan Rouault. Du réseau Arts, donc comicsblog.fr, Sci-Fantasy et 9e art, le plus gros site, les plus gros sites de sur la BD à sur francophone. Et il a annoncé hier pendant un live que c'était fini, ils vont arrêter de faire les podcasts pour l'instant et les sites ne vont pas fermer, mais ils vont arrêter les news. Et c'est assez triste, moi je trouve, parce que c'est un peu eux qui m'ont redonné envie de relire du comics à l'époque du reboot de DC, et c'est eux qui m'ont donné envie de refaire du podcast grâce à leur podcast qui était vraiment cool, même si je les écoutais depuis un moment parce que j'étais plus dans... C'était vraiment des passionnés, et puis ils avaient quand même un niveau de connaissance sur les sujets assez impressionnant. Ouais. C'est vraiment dommage, ouais. Ils ont donné des raisons. Alors, ils se sont passés professionnels et ils tenaient plus le coup professionnel. Enfin, ils arrivaient plus à se faire assez d'argent pour que tout le monde ait... Donc c'est triste. Et voilà, je tenais à le souligner, puisque comme on a reçu notre ami Sullivan. Bah ouais, du coup un petit coucou s'il nous écoute, ouais, toute l'équipe, c'est dommage. Mais s'il est toujours passionné, peut-être il peut essayer de reprendre au niveau passionné et trouver un autre moyen de gagner des choses. Ça m'étonnerait qu'ils arrêtent comme ça tout. Non, ils feront un épisode, ils feront un podcast sur Star Wars 8 ou ce genre de choses. Mais c'est un peu, je trouve, c'est un petit bout du comics, du fan de comics en moi qui meurt aujourd'hui. Donc voilà, tenais à le dire. Et on va passer à une autre news. Et on va essayer de passer à un truc un peu plus joyeux. Alors, moi je vais vous parler de Marvel qui va donner des coups de tatane à Capcom. Et de l'annonce de Marvel vs Capcom 4 qui a fuité. Ça c'est bien. Qui a fuité. Il y a plusieurs images qui ont fuité. Avec un trailer qui devait passer pendant la PlayStation Conference, la PlayStation Experience, donc c'est une grosse conférence sur 3 jours qui se passe à Anaheim en Californie où ils allaient présenter plus de 100 jeux, dont Marvel vs Capcom 4. Est-ce que Mathieu, tu es un fan de jeux de baston et de Marvel vs Capcom ? Ouais, j'ai laissé tomber un peu au premier, j'avoue, parce qu'après j'avais pas forcément la console, mais non, c'est cool, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, et puis le croisement de personnages, ouais, c'est bien des foulants. Et toi, tu as un petit avis sur moi, tu sais, on a acheté le dernier. J'adore. J'avais été déçu par le 3. Ouais. Du coup, je l'ai revendu parce que voilà. Mais j'avais adoré le 2. Récent. Mais j'adore ça, quoi. C'est complètement fou. Puis c'est cool. Tu peux jouer avec tes héros Marvel préférés. Donc, on n'a pas trop de date de sortie ou même sur quelle console à part sur PS4, puisque ce sera pour la PlayStation Experience. Tant mieux, joli. Oui, nous avons la PS4, mais je sais pas si ça va être une exclue Sony ou quoi que ce soit. En tout cas, ça va sortir en 2017 et moi, j'attends ce jeu avec impatience. Et on passe à une autre news. Et c'est Lego qui définitivement en veut à mon banquier. puisque après les magnifiques sets pour le film Lego Star Lego Batman qui sont vraiment super beaux, j'ai envie de tous les acheter. Ils ont annoncé un autre truc, c'est les minifigs Lego. Alors pour les gens qui ne sauraient pas ce que sont les minifigs, c'est les petites pochettes surprises où vous pouvez avoir plein de personnages de Lego. Et donc ils ont sorti déjà je crois qu'il y a bien 12 ou 13 séries déjà avec plein de persos. Il y a eu les Simpsons qui sont sortis comme ça, et après des persos création de chez Lego, et ils ont annoncé qu'il y aurait une série spéciale sur Lego Batman, sur le film notamment, avec plein de personnages super cool et super classe. Donc moi je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est assez sympathique. Est-ce que ça te donne envie d'acheter du Lego? Oui, mais je le ferai pas. Tu le feras pas? Non, je résiste pour l'instant. J'ai déjà que j'ai du mal à rentrer les comics, si en plus je me mets aux figurines ou un truc comme ça, ça peut être possible. Alors je sais que Faye en a marre avec ma collection de Lego, qui en a trop. De partout. Ça me fait chier. Non, mais excuse-moi, mais au bout d'un moment, moi je veux juste les personnages. Oui, mais là c'est juste les personnages. Ouais, là, mais ça coûte super cher. Tu peux même pas choisir. Vous engueulez pas. Du coup, tu te retrouves avec 500 000 fois le même exemplaire du même perso. C'est comme les pochettes Panini quand t'étais jeune. T'allais en acheter 5-6 et puis au final t'avais toutes les mêmes. Alors c'est 2,50 l'unité, donc. Mais tu ne peux pas savoir ce que tu as dans la pochette. Ça vaut le coup, c'est génial. Moi je pense que je vais toutes les acheter et qu'il y aura encore plus de Lego chez moi. Je suis désolé par avance. Eh bien, je contrerai en achetant des objets Star Wars. Exactement. On va passer à une autre news. Mais je suis sûr que s'ils sortent une série Star Wars, tu râleras, mais tu les achèteras quand même. Non, parce que j'arrange ma collection et je ne prends pas de Lego. D'accord. Voilà. C'est pas grave. Et on va passer à une news que j'ai appelée Superman Assemble. Puisque DC avait déjà annoncé un event centré autour de Batman pour 2017 avec la meilleure équipe créative du monde. Est-ce que tu sais qui est la meilleure Snyder Capullo. Snyder Capullo. Il n'y a pas Manapool. Et il n'y a pas Manapool, malheureusement. Oh, il ne fait pas partie de la meilleure équipe. C'est l'équipe qui a fait le dernier run Batman, la cour des hiboux et le On a parlé dans le premier podcast, donc dans le la première émission de radio, donc vous pouvez aller l'écouter. C'est et très, très bon. En attendant, ils ont annoncé un deuxième event. Je me perds dans mes news, et qui va s'appeler Superman Reborn. Donc ce sera un event centré sur le personnage de Batman. Non, de Superman. Vous allez retrouver plein de Superman différents, et dont notamment celui de Red Son de Mark Millar. Ah. Donc c'est, on n'a pas trop de news pour l'instant, mais ça a l'air tourner autour des univers parallèles, tout ça. Et on a déjà l'équipe créative, puisqu'on sait que ça va être une autre équipe créative géniale, qui est Peter Tomasi et Patrick Gleason, qui étaient sur Batman et Robin, qui est, je pense, mon arc préféré de Batman ever, qui est vraiment génial. Franchement, lisez-le, c'est très bien, c'est vraiment super bien. Et aussi Dan Surgeon. Dan Jurgens. Jurgens, peut-être. Ouais. Il y a un S devant, on ne prononce pas c'est le. Un J, non? Non, c'est Jurgens. Enfin, ouais. Bah, je que ça, non, tu confonds alors. Bah, son frangin. Ok. Et donc, voilà. C'est une petite news intéressante. Est-ce que ça te donne envie de voir le côté alors Red Son, une histoire de Superman, pardon, qui est intéressante. C'est donc logiquement c'est une histoire qui est complètement hors continuité, et où Superman atterrit pas aux États-Unis mais en Russie, où il devient l'icône communiste. Donc c'est plutôt intéressant. Et effectivement, le fait qu'il la ramène comme ça dans cette espèce de avec plein d'autres pourquoi d'autres pas Superman. Ça rappelle quand même ce qu'ils ont fait avec Logan et la Logan qui est un d'ailleurs de Mark Millar aussi, qui est partout. Après moi je suis pas super Superman fanboy, non. Ouais, moi non plus. Je lis pas les trucs de Superman. Peut-être que là, parce que j'aime beaucoup l'équipe créative. Oui, l'équipe créative est pas mal, ça peut être décérébrant comme histoire. Et on va passer à une autre news. Et avant de commencer ma news, est-ce que vous vous souvenez de ça, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux passer? Non, vous vous souvenez pas? C'est passé le mercredi après-midi dans Recre Kids sur M6. Et voilà, c'est Archimisseur et compagnie. Et en fait, c'est pour vous parler. C'était très con. Donc, c'était une série d'animation tirée de l'univers de Archie Comics. Est-ce que tu connais un peu Archie Comics? J'en avais parlé dans un vieux podcast, donc vous pouvez aller réécouter si vous voulez. Tu vas arrêter de choisir les news. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Désolé. Du coup, Archie Comics, c'est un autre univers des comics américain, je sais pas où je partais dans cette phrase, et c'est plus des trucs un peu lifestyle avec un garçon qui s'appelle Archie qui vit des aventures au lycée avec deux filles qui l'aiment et tout. Ils ont fait des crossovers avec Predator, Transformers. Oui, c'est avec Predator. Ça c'est fou. Ah, mais moi je me rappelle l'animé, mais c'était une horreur. Regardez, c'est le truc que tu matais parce que t'attendais le truc d'après. Mais à la base, c'est un éditeur très très puritain et très très. C'est très American Way of Life. Ouais, voilà. Mais c'était tout le temps pareil. T'avais genre une fille avec une voix désagréable, t'étais genre la reine du lycée. Et je vous en parle parce que après Arrow, après Flash, après Supergirl, après Legend of Tomorrow, CW va faire une série télé autour de Archie Comics qui va s'appeler Rivers Days, où vous allez voir les aventures de Archie et de tous ses potes à Rivers Days. Et il y a un petit trailer qui vient de fuiter et ça donne pas trop envie, franchement. On dirait Vampire Diaries avec un roux, quoi. Bah écoute, je vais te dire un truc. Hein, Tu m'as dit que tu l'avais mis sur ta liste, ouais, de séries. Ouais, moi je suis, parce que moi j'essaie de voir un peu de tout. Mais je vais te dire un truc, si ça ressemble à Vampire Diaries, on peut s'estimer chanceux. Parce que la dernière saison de la série, elle est mille fois mieux que tous les Arrow, Flash et compagnie. Hein. Ouais, c'est pas tout très dur fout, en même temps. Bah écoute, tout le monde se fout de cette série, mais elle est quand même beaucoup plus intéressante que ces merdes-là. Donc si ça peut ressembler à ça ou à un côté supernatural, moi j'achète. Et comme on est dans les séries, et je voulais parler d'une série d'animation dont on a la date de sortie enfin, c'est Justice League Action, la nouvelle série d'animation autour de Justice League qui va sortir le 16 décembre et aujourd'hui a fuité le générique et ça a l'air plutôt sympa avec plein de héros de chez... c'est une série un peu team-up, vous retrouverez ouais. Plein de héros de DC ensemble qui font des trucs et ça va être des petits épisodes de 11 minutes donc ça peut être assez sympa. Ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Moi, le générique me donne envie. Ça a l'air sympa. Quoi, ça me fait penser un peu à Batman et ses potes là. J'sais ouais, bah moi j'aime bien, c'était. J'aime pas du tout. Franchement, j'ai un peu peur. Tu as un peu peur. Ouais. Je viens de perdre. Voilà. Après, j'aime tellement la série de Bruce Timm aussi qui avait été faite. Ah oui, oui, dont on a acheté. Batman qu'on a appris. Oui, Batman de la série animée dont on a acheté grâce au Black Friday l'intégrale en DVD pour 35€ au lieu non, de 90€. Non, mais ça va, c'est la pub. Oui. Le prix varie. Et on va finir les news avec les sorties de la semaine. Et y a, comme on est en décembre, on a plein de sorties. Donc on va essayer de passer vite sur les trucs pas trop intéressants. Comme d'habitude, je fais pas les kiosques. Je vais vous parler que des trucs qui sortent en librairie. Et je vais pas parler des trucs un peu osef. Je sais qu'il y a un comics Warcraft qui sort par exemple. On s'en fout un peu. Donc je vais pas. S'il y a des fans de Warcraft, il y a peut-être des fans. Ils le sauront. Un peu de respect, Jeff. Un peu de respect, s'il te plaît. Il y a un comics Dark Souls aussi qui va sortir. Donc voilà, vous le saurez. C'est à 15€ chez tout vos bons libraires. Et en plus, il y a La Sorcière Rouge, tome 1 chez Panini, qui va sortir en 100% Marvel. Ça va contenir les épisodes 1 à 5 de Scarlet Witch, donc la série de 2006. C'est écrit par James Robinson. Et petit clin d'œil, c'est dessiné par le regretté Steve Dillon. Il y a deux numéros qui sont dessinés par Steve Dillon. Donc ça peut être assez sympathique pour se remémorer ce grand dessinateur qui était Steve Dillon. Est-ce que vous voulez que je vous donne un petit pitch de la série? Oui, parce que je crois qu'elle a eu des bons échos aux États-Unis. Alors, c'est la sorcellerie qui a été brisée et Wanda va partir aux quatre coins du monde pour récupérer différentes pièces de la sorcellerie, pouvoir la reconstituer. Et au mystère, il y a le mystère de savoir qui a brisé cette magie, tout ça. Ce sera pour 13€ chez Panini Comics. Donc, voilà, c'est le personnage qu'on voit dans les Avengers au cinéma, ouais, la sorcière rouge. Jumelle. Ouais, j'aime bien ce personnage. Ouais, j'aime beaucoup ce personnage aussi. On va rester chez Panini et moi je voulais vous parler de Rocket Raccoon tome 2 qui va sortir. Max, on en avait parlé dans un ancien podcast. Donc vous pouvez aller écouter son avis sur. On avait donné aussi un peu notre avis sur la série. Ça va contenir les épisodes 7 à 11 de Rocket Raccoon, bien sûr. C'est dessiné et écrit par Scotty Young, Philippe Andrade et Jack Parker. Scotty Young fait deux numéros, Philippe Andrade fait deux numéros et Jack Parker fait un numéro. Et c'est un peu les aventures un peu loufoques de Rocket Raccoon. Ouais, ça c'est cartoon. Enfin, Scotty Young, il est connu. Scotty Young, c'est super beau. Par contre, c'est super joli. Oui, c'est joli. Ouais, c'est vraiment. C'est cartoon trashy un peu. Donc c'est 14,95 chez Panini Comics si vous avez envie, si vous avez lu le premier tome. Je crois que c'est des histoires qui se tiennent entre elles, donc peut-être qu'il n'y a pas de suivi. Vous pouvez acheter le deuxième de suite. Mais je crois qu'elle s'arrête. Je suis pas sûr que. Mais ouais, en général c'est des espèces d'anthologies comme ça. Ok, et on va passer à un truc qui va faire peut-être pas un peu plus parler de lui, c'est Poe Dameron, le premier, qui sort chez Panini Comics aussi, qui contient les épisodes 1 à 3 de Poe Dameron, et aussi le premier épisode de Star Wars C-3PO. C'est écrit par Charles Soule et dessiné par Phil Noto sur Poe Dameron. J'ai pas noté le dessinateur sur C-3PO, ni l'écrivain. C'est James Robinson et... Putain, il est partout, James Robinson. Non, c'est Tony Harris. Oh, c'est l'équipe de Ex Machina, j'ai oublié. Ok. Et je crois que c'est Tony Harris. Je crois que tu l'as lu, toi. Enfin, oui. Toi, t'as lu le premier, parce que t'as acheté le premier épisode. Oui, mais j'ai lu la suite après, quoi. Et alors? on s'emmerde. Bah, voilà, ouais. Il résume bien, on s'emmerde un peu. Après, Finn Otto, c'est spécial. Finn Otto, ouais, c'est pour ceux qui lisent du Star Wars récemment, c'est lui qui a dessiné Chewbacca, du même Charles Soule, qui était pas terrible. Là, moi, il y a quelque chose qui me gêne dans les dessins de Finn Otto, c'est qu'il a copié-collé le dessin, le visage de Paul Darmon, ouais, d'Oscar Isaac. Ouais, c'est ça, moi aussi, ça me gêne. Donc, tu le reconnais très bien, et les autres, ils sont ouais, il a assez... pas trop fait de... C'est un truc qui... Pareil, je crois que c'était dans le Star Wars... tome 3 ou le Dark Vader tome 3, il y avait une histoire. Bah, dans Star Wars, justement, sur la jeunesse de Obi-Wan Kenobi, où justement, t'as les dessins, c'est on dirait du photomontage, et ça m'a gêné. Et vous avez le récit spécial avec C-3PO. Comment C-3PO a son bras rouge ? Du coup, bah, je vais l'acheter pour ça. Tu l'as très bien, par contre, il y a une coquille avec le film. Attention. Ah. Ah, ce qui se passe dans le comic. Bon, on va passer vite sur l'œuvre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, il y a aussi Fear Agent, Legend of Fear, c'est une espèce de spin-off de la série Fear Agent par Rick Remender. Et là, c'est pas dessiné par Tony Moore, c'est dessiné par d'autres dessinateurs, dont Paul Renaud. Donc, c'est pour 15€ chez Aquileos. Et à ce qui paraît, je l'ai pas lu, mais à ce qui paraît, Fear Agent, c'est génial. C'est génial, je confirme. Je viens de le dire. Tu l'as dit, l'as lu. C'est Rick Remender, donc c'est l'histoire d'une espèce de policier de l'espace. Complètement dépressif, complètement sous alcool parce que la famille est partie en saucisse. Ça part dans des considérations de voyage dans le temps, d'aliens à buter. C'est très très très bon. C'est pas très gay, mine de rien. Ça se finit en 5 volumes, c'est complètement barré. Si on accroche un peu à ce espèce de gros délire, ce que fait Remender, c'est moi je conseille très bien. Et puis c'est beau. Je vais passer vite fait sur la suite parce qu'on s'en fout un peu. Vous avez 3 titres qui vont sortir aussi chez Urban. C'est The Art of Pain Comics, donc c'est un espèce de gros bouquin par Alex Ross qui vous résume tout l'histoire de la peinture dans le comics, donc des peintures des pulp à maintenant, donc avec plein de super planches. Donc si vous avez envie d'avoir un bel objet d'art là, du coup pour c'est Noël bientôt. Qui vous parle, on sent que c'est Noël. Ouais. Hein. Ouais. Donc c'est 39€ chez Urban Comics. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ah, d'accord. Si vous aimez l'histoire du comics, ça peut être très intéressant. Vous avez aussi Suicide Squad tome 3 qui sort et qui contient les épisodes US de Suicide Squad 2, 14 au 23. C'est écrit par Adam Glass et Alex Cotts et par toute une tripotée de dessinateurs. Il y en a 40 000. Donc c'est la suite de Suicide Squad. Si vous aimez Suicide Squad, pourquoi pas. Bah, moi, rappelons qu'il y a le Blu-ray qui sort le 3 septembre. Ouais, oui, et on en parlera peut-être. Avec la version longue. Du coup, on parlera peut-être de ces deux titres dans une émission. Hein, 3 décembre. Oui, 3 décembre. Je vais parler d'un autre titre, c'est Sur les traces de Deadshot, donc, qui contient les épisodes 1 à 6 de Suicide Squad Most Wanted Deadshot, le titre de Deadshot aux US. À ce qui paraît, c'est pas mal, et je sais que je l'ai eu en PDF grâce à Urban, donc peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine avec Suicide Squad, la version étendue, peut-être, si on a le temps de regarder. Ouais. Non, ça vous tente? Ouais, si. Oui. Par contre, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas les scènes manquantes du Joker dans la version. Attends, il va falloir revoir le film. Encore, il va falloir acheter une autre version du film encore pour voir les... Peut-être les pas. Joker, etc. En même temps, elles sont pas sorties sur YouTube, je crois qu'elles sont sorties sur YouTube en entier. Ah ouais, c'est commencé à être compliqué de regarder un film. Ouais. Moi, tant qu'il y a Viola Davis, peut-être arrêter. Ouais. Et du coup, on va passer à la première pause musicale, et c'est un morceau spécialement dédicacé pour Faye. C'est du Rammstein, et j'oublie le titre complètement. Je suis désolé. Douast ? Non, c'est un autre. C'est celui qui est dans le film dont on va parler tout à l'heure. We'll be right back. zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Mein Herz brennt. Mein Herz brennt. Mein Herz brennt. Et donc, c'était Rammstein, et je sais plus le titre, et tu peux me le donner, s'il te plaît. T'es un petit malin, toi. Ouais, My Heart Brent, avec l'accent allemand qui va bien. Je crois, voilà, je crois que c'est ça, yeah, je suis pas sûr. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2, pour les gens sur Montpellier, et puis sur le site internet, pour les gens qui nous écoutent peut-être sur internet, ou peut-être en podcast différé, sur comicsdiscovery.fr. Bonjour donc, à tout le monde. Comme je le disais, c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics, et on va vous parler d'un... J'avais laissé un indice sur le site, sur le Facebook, mais personne n'a deviné. Si. Donc l'indice, c'était des chats et des pancakes. Et est-ce que tu as deviné? Ah bah oui. Mais moi, je triche. Oui, toi, tu savais de quoi on parlait. C'était Hellboy. Donc on va vous parler de Hellboy, le film, et Hellboy, le comics. Parce que c'est un peu de... qu'on est quand même là pour parler de comics. Et on va commencer par le comics. Tu vas nous parler de... Ouais. Comics Hellboy. Alors, ouais. c'est un personnage qui est apparu en 1994 aux États-Unis chez l'éditeur Dark Horse Comics, créateur Mike Mignola, qui est le père de Hellboy et qui a écrit tout ce qu'il y a plus ou moins autour d'Hellboy depuis l'origine. Donc c'est un personnage qui extérieurement a l'aspect d'un démon. Pour le peu que vous ayez vu les films, vous voyez la tronche qu'il a. C'est Ron Perlman en rouge. C'est Ron Perlman, ouais, avec une grosse mâchoire. C'est un enquêteur paranormal qui travaille dans un organisme américain qui s'appelle le BPRD, le Bureau for Paranormal Research and Defense. Alors c'est un personnage qui est haut en couleur, qui sa caractéristique principale... Oui, il est rouge. Il est rouge. Enfin, il est haut en couleur, ouais, niveau caractère. LOL, MDR. Ouais, c'est un fatigué, c'est un écomardi, attention. Non, voilà, c'est un personnage qui va avoir un rôle très important, qui lui est écrit, qui est sa destinée, qui est d'apporter la fin du monde à un moment donné et la fin de l'humanité. Grâce à son bras. Voilà, entre autres. Mais malgré ça, lorsqu'il arrive sur Terre, il choisit le camp des humains, notamment grâce au professeur Brutenholm, qui est son papa, ouais, voilà, un peu pas biologique bien sûr, mais adoptif. Papa adoptif, voilà, ouais. Et donc contre sa nature, il va prendre des valeurs humaines, de courage, d'abnégation, de sacrifice. Et voilà, tout le personnage va tourner autour de ça, c'est-à-dire sa nature de démon qui doit vraiment apporter l'apocalypse et la fin du monde sur Terre, mais son choix à lui. Personnel de pas le faire justement et de prendre le parti des humains. Et c'est aussi un personnage qui, malgré toutes ses bonnes valeurs, est parfaitement colérique, est parfaitement têtu, très irrévérencieux et qui a énormément de ressorts humoristiques par rapport à ça. Il passe son temps à combattre des divinités qui datent de l'âge de pierre en leur lançant des remarques tout à fait américaines et tout à fait du 20e siècle. Alors le comics est un petit peu particulier, c'est pas un comics qui va sortir tous les mois comme un Batman, un Superman, un X-Men, c'est vraiment un comics qui a une vraie chronologie, qui va marcher par période. Ça commence fin de Deuxième Guerre mondiale et ça se poursuit encore maintenant, et il y a différentes vraiment périodes, les années 50, les années 60, les années 70, donc c'est quelque chose qui est très organisé, qui a vraiment une vraie chronologie. Et donc là, on parle du volume qui va sortir chez Delcourt fin du mois. Parce qu'on n'en parle pas pour rien quand même. Voilà, il y a un truc derrière. Il y a une actualité, on a réfléchi. Donc Delcourt qui sort un album deluxe que j'ai pas eu entre les mains. Mais ouais, il est pas sorti encore. Ouais, voilà. Il sort la semaine prochaine. Et, il sort vendredi, je crois. Visiblement, il compile les deux premiers reliés. Les deux premiers reliés, ouais. Et un artbook en plus. Et voilà, donc visiblement, il y a toujours quelque chose en plus. C'est du beau cadeau de Noël, ça. C'est du gros, mais il est un. Sans critiquer Delcourt, il est un poil cher pour ce que c'est. Delcourt, c'est souvent un peu plus cher, je sais pas. Je crois 49 euros pour deux trucs, deux tomes à 15 euros. Et un artbook, ça fait cher l'artbook quand même. Ouais, c'est du. Voilà, il manquait sur le Noël Boy quoi. Ouais. Après, bon, ça a l'air d'être un bel objet quand même. Ouais, c'est un bel objet. C'est un pour bel les collectionneurs objet. Peut-être. Ouais. Et moi donc... je sais que j'ai que le... Du coup j'ai acheté le premier pour le coup, pour pouvoir en parler, pour pouvoir le lire. Et du coup moi, j'ai bien envie d'acheter le hardbook, enfin l'intégrale qui est un poil cher mais qui a l'air très sympathique. Ouais, donc effectivement dedans vous avez les deux premiers reliés américains. Alors les reliés, pour rappel, ce sont des reliés effectivement qui compilent en général 5 ou 6 numéros, ouais, 5 ou 6 US numéros, oui. Donc les numéros US, c'est ceux qui sortent tous les mois. Donc en gros vous avez l'équivalent d'une dizaine de numéros US. Alors dans ce volume, vous avez une intro très rapide, fin de Deuxième Guerre mondiale, les nazis, parce qu'il y a forcément des nazis, sinon ça serait pas drôle, lancent un projet Ragnarok. Les nazis avec des Russes, pour une fois. Oui, ouais, ouais. Ils compilent. Enfin, avec un Russe. Oui, avec un Russe. Mais quel Russe ? Oui, exactement. Donc ils lancent un projet, ils sont à la fin de la guerre, ils sont en train de tirer la langue, ils vont perdre, donc ils lancent cette espèce de projet Ragnarok qui est mené par ce fameux Russe qui est le moine Rasputin, qui a vraiment existé dans la littérature. Bah non, dans la vraie vie aussi. La vraie vie aussi, oui, pardon. Un oui, personnage voilà, fascinant. Ouais. J'étais dans la littérature, là. Et une chanson de Bonnet M également. Ah, putain, oui, ouais. Mais c'est ça que j'aurais dû mettre en fait. C'est ce que je t'avais dit. Ouais, j'ai non, vous arrêtez de choisir aussi les noms des chansons. Et donc ce projet aboutit et Hellboy arrive en tant que garçon. Il est capturé immédiatement par les Alliés, heureusement, et par ce professeur Bruttenholm. Et le comics part de suite 50 ans plus tard, début des années 90. Le fameux professeur Bruttenholm décède. Tout ce que je vous dis là, c'est dans les premières pages, donc je spoil pas grand chose. Il décède suite à une expédition qu'il a fait dans le cercle l'Arctique pour trouver un mystérieux temple mené par une famille de fêlés complets, les familles Cavendish, qui est complètement hantée par ce temple. Et donc c'est son père adoptif meurt, Hellboy prend les rênes de l'enquête et ça va le mener dans un premier temps contre ce fameux moine Rasputin, ensuite contre des nazis revenus à la vie par quelques machineries diaboliques. Et j'en dis pas plus parce que c'est vraiment la base de l'univers d'Hellboy, il y a énormément de choses à découvrir. Très très vite on s'aperçoit que Mignola a vraiment un vrai univers très cohérent, il y a plein de très personnages dense. Cool. Toute la base de la mythologie Hellboy est là, vous avez une ambiance avec toujours ce fil rouge apocalyptique enfin, parce que Hellboy doit amener la fin du monde, il y a toujours ce rôle qui le colle à la peau. Vous tombez donc dans le monde d'Hellboy, peuplé de fantômes, de démons, de magie ancestrale, de vampires, de nazis dans des corps mécaniques, ou des nazis dans des têtes qui sont encore c'est vivants, bien, qui fonctionnent. Voilà, c'est vraiment... Même les alliés d'Hellboy sont complètement space parce qu'ils s'allient avec une pyromane et un homme amphibie. Il n'y a pas vraiment en fait d'œil du lecteur, de personnage un peu out qui va découvrir tout ça. Oui, ils sont tous ancrés dans leur voilà, univers. Le lecteur rentre directement dans ce monde complètement glauque, complètement mystique. C'est très dense, il y a beaucoup de persos, il y a beaucoup de références. Mine de rien, je trouve que Mignola il alterne pas mal les scènes de dialogue ou les scènes de découverte avec parfois des scènes d'action assez puissantes. Par contre, c'est clairement pas un comics que vous allez lire quand vous lisez un petit Superman ou un petit X-Men pour vous détendre pour une fin de journée. Il faut faire un petit effort. Ouais, il faut le lire. Voilà, il n'y a rien qui est anodin, mais vraiment, quasiment chaque dialogue, chaque scène, même une scène sans dialogue avec un personnage, un lieu, va avoir un écho à un moment donné. Et moi qui en lis depuis très très très longtemps, et vraiment Mignola, il a fait un travail de fou. D'ailleurs, on appelle ça le Mignolaverse, parce que ça veut dire ce que ça veut dire, il a vraiment créé. En même temps, il n'y a pas que cette série, il y a BPRD à côté. Voilà, après, il y a pas mal de spin-offs. Alors, les spin-offs, ce sont des séries. Au Mexique, j'ai vu. C'est comme ouais, Martin voilà. En fait. Martin, Hellboy à la plage. Il a fait une série sur Epsapiens, il a fait une série sur The Lobster, qui est un enquêteur qui se passe avant, mais tout se tient. Vous avez, il fonctionne pas mal par anthologie, c'est-à-dire des petits récits courts parfois, une enquête d'Hellboy sur telle possession, mais le personnage va rebondir dans telle série, dans telle série, dans tel événement. C'est vraiment très dense, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas non plus obligé de tout lire, mais voilà, c'est quand même c'est le début d'une aventure assez. Si jamais vous voulez vraiment vous plonger dedans et que ça vous plaît, c'est vraiment une aventure très assez longue, mais c'est quand même très très satisfaisant. Est-ce qu'on peut parler vite fait du dessin de Mignola, parce que c'est quand même assez marquant, assez marquant dans le titre, ce dessin de Mignola qui est vraiment génial, qui a un petit côté un peu comme Risso, comme Edward de Risso, oui, voilà, sur One Hundred Bullets. Il a une familiarité avec Millar, excusez-moi, Frank oui. Millar. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup côté, sur, les, ouais. sur la lumière et sur l'absence de lumière en général. Alors son dessin en lui-même est assez carré, un peu cartoon. Moi j'adore, force. Moi je trouve que c'est vraiment... Je trouve qu'on retrouve vraiment une ambiance lovecraftienne, un côté steampunk. C'est, tu pourrais limite te sentir dans une partie de jeu de rôle, enfin, tu te sens pris dans l'univers. Puis il y a un travail sur la coloration, qui sont un coloriste attitré, qui fait un travail magnifique de mise en ambiance avec des couleurs assez ternes, même si la palette n'est pas énorme. Il y a vraiment... Tous les artistes travaillent pour vraiment donner une ambiance particulière. Mais moi, je suis amoureuse d'Hellboy, mais vraiment. Moi je peux que vous conseiller de peut-être pas d'acheter le gros titre à 50 euros, mais au moins le premier, Germe de la destruction. Ouais. Ouais. Qui est à 15 euros. Et en plus, petit coup de gueule, je l'ai acheté chez Planète Interdite. Il était abîmé. Voilà, c'est juste pour. 9 ou 15 9. Ah. Donc voilà, je suis un peu. Oui, j'ai droit aux yeux. Mais comme tu me fais des yeux doux, on va enchaîner sur ta partie. Parce que tu veux Hellboy, ce n'est pas déjà, que. Déjà, tu fais pas une pause avant. Bah non. Bon, d'accord, bon, je suis prête, vas-y. Vas-y. Allez. Oui, eh bien, Hellboy, donc ce n'est pas qu'un comics de génie, c'est également deux films, et deux, je trouve, films qui font partie vraiment des adaptations les plus réussies de comics, à mon avis. Mais en fait, moi, on les a revus pour le ouais. truc, et j'avais du mal avec le 2, et j'avais pas trop aimé le premier, et en fait, je les ai redécouverts, bon, même si je me suis à moitié endormi devant, mais franchement, j'ai vraiment aimé les films. Alors, je vais vous raconter. Alors déjà, ces films sont réalisés par le génial Guillermo del Toro, et comme tous les films de Guillermo del Toro, il y a toujours une petite aventure autour du film. Le pauvre gars, à chaque fois, il en chie pas mal. Il a vraiment pas de chance. Voilà, alors tout commence en 97, où en fait, le petit Guillermo, fan du comics, tout ça, il faut le dire, c'est vraiment un gros fan du comics, décide de rentrer en contact avec l'auteur pour lui proposer de faire une adaptation de son univers. Alors les deux gars s'entendent super bien, ils ont dit ok, vas-y, fais mon truc et tout. Ils se mettent d'accord sur le nom de l'acteur qui doit jouer le rôle, à savoir Ron Perlman, ce génie magnifique que vous avez pu voir dans La Belle et la Bête, cette vieille série des années 80 que j'adorais. Fait de la ça balance, le pauvre. C'était trop. Il était dans Blade aussi. Voilà, il était dans Blade. Enfin, c'est un acteur qui est ami de Guillermo del Toro, qui est dans pas mal de ses films, qui était aussi dans la série Son of Anarchy, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Le Nom de la Rose, c'est un très grand acteur. Dans Pacific Rim aussi. Exactement. Et donc, en fait, ils essaient de démarcher les maisons de production en allant voir, en fait, le maquilleur, attends que je retrouve son nom, Rick Baker, qui avait fait, en fait, des moules de Ron Perlman pour la série La Belle et la Bête. Et donc, en se servant des moules, il a fait une sculpture, donc, du visage de Ron Perlman en Hellboy. Donc, armé de ça, plus des idées de scénario, ils démarchent les maisons de production. Malheureusement, ils sont assez frileux de donner un gros budget pour ce type de film, notation de super-héros, en plus un super-héros pas super charismatique. En plus, Del Toro, il n'était pas super connu à l'époque. Voilà, et à l'époque, Del Toro n'était pas super connu. Et entre-temps, en fait, Del Toro a fait Blade 2, qui a rencontré un gros succès, qui est aussi une adaptation de comics. De comics, de Spider-Man. Bon, qui a ses bons et ses mauvais côtés. Et au cinéma, en fait, des films comme X-Men ou Spider-Man ont cartonné. Du coup, Sony va voir les deux compères et dire « Ok, voilà, on vous donne un budget, faites-nous un film. » Mais alors, ils sont un peu chiants, parce qu'ils sont là... C'est Sony en même temps. Voilà, ils sont là déjà, ils veulent que Hellboy, en fait, il devienne rouge quand il est en colère, comme Hulk. Ils veulent dans le rôle principal soit Nicolas Cage, soit Vin Diesel, soit The Rock. Donc ils ont dû batailler sévère. C'est pour avoir un Oscar qu'ils veulent ça, non ? Ah, c'est clair, hein, mais ils ont dû batailler sévère et tout pour arriver à leur fin. Finalement, ils font le film. Et Guillermo del Toro a encore un petit souci. Il crée un personnage en fait qui va permettre aux spectateurs de comprendre l'univers, de rentrer dedans. Bah, c'est ce que disait tout à l'heure. Voilà, ce qu'il n'y avait pas dans le comics. Guillermo donc est l'auteur, décide de faire ça, et donc il faut un personnage, un agent du FBI qui doit juste nous aider à rentrer dans le film et qui par la suite doit être mis de côté. Malheureusement, Sony, ils veulent un acteur qui soit un peu mignon glamour et ils veulent que le film se concentre plus sur lui que sur Hellboy. Et donc finalement aux États-Unis sort une version qui a été coupée et qui se concentre plus sur ce personnage là et qui ne va pas fonctionner, mais chez nous en Europe nous allons avoir directement au cinéma la fameuse Director's Cut. Donc, en même temps, le personnage n'est pas très intéressant et le personnage n'est pas intéressant justement. Guillermo del Toro, c'était vraiment juste pour nous faire rentrer dedans et nous présenter l'univers. Et le premier film reprend les deux premiers tomes, donc on retrouve les Allemands, on retrouve Rasputin, on retrouve la fameuse équipe des nazis, patati patata. On a Hellboy qui est vraiment qui est comme dans le comics, qui râle, sociale, qui fait des jeux de mots, qui est un peu un adolescent, qui en même temps a envie de s'intégrer dans notre monde, mais en même temps c'est compliqué, il se demande où est sa place, face à quelle identité. Là, je crois qu'ils ont même rajouté quelque chose par rapport à son père, pardon, qui est assez intéressant, où il joue l'enfant gâté, qui veut se séparer, l'adolescent, quoi, qui veut partir de son père, mais qui cherche aussi son affection, ce qui n'est pas forcément dans le comics parce qu'il meurt très très vite. Mm. Et c'était assez bien, c'était juste, je trouve. Ouais, c'est vraiment très bien fait. On a déjà une réflexion qui est plus profonde en fait et beaucoup plus intéressante que tout ce qui se faisait déjà en comics à l'époque. Et puis on a un bestiaire, mais vraiment ça c'est une des forces de Guillermo del Toro, c'est qu'il est génial pour créer des créatures. Il fait d'ailleurs des hommages à Cthulhu, donc pour respecter le côté Lovecraftien de l'histoire avec la grosse bête de la fin du film. Donc c'est génial. Et bon, le film par contre donc a pas trop marché au ciné, mais il a eu une renaissance grâce au DVD qui est devenu assez culte. Du coup, il a pas trop vieilli. Non, il a pas trop vieilli. Hein. Et du coup, des années après pas mal de galères, il réussit donc à faire un deuxième film. Donc il s'appelle Hellboy 2, je crois. Je trouve plus le nom en français. La Golden Army, merci. Je trouvais plus le mot en français. Et donc là, le film est fait par Universal parce qu'ils ont dit non, c'est bon. Ils ont changé, je savais même pas. Non, ils ont dit c'est bon, on bosse plus avec Sony vu ce qu'ils nous ont fait. Ils sont allés voir Universal qui leur a donné un plus gros budget. Et là, Guillermo del Toro a réalisé ce film après avoir fait l'excellent Labyrinthe de Pan que je vous conseille. Et ce qu'il arrive à faire, c'est quelque chose que Thor 2 aurait dû faire, à savoir transcender le cadre du comics pour se diriger vers un film fantastique d'heroic fantasy. Il arrive à créer vraiment un univers. Alors là, il travaille un peu moins avec l'auteur, mais il a sa bénédiction parce que le gars, il est impressionné de voir l'univers qu'il a créé. Il est au générique quand même, Mignola. Oui, il est au générique parce que quand même, il est impliqué. Et là, en fait, on a donc Hellboy qui va se retrouver justement avec voilà, je me dévoile aux yeux du monde, mais en même temps, ces gens me rejettent et il s'interroge à savoir est-ce que je dois les protéger, pas les protéger. On a également son ami Abe qui est mis plus en avant, et puis on a vraiment des créatures magnifiques. Mais en fait, il y a tout le lien avec, parce qu'il découvre tout un monde mystique, et il se retrouve plus, peut-être voilà, ils se retrouvent partagés. Ils disent est-ce que je devrais pas les protéger eux plutôt que protéger les humains. Et on a des scènes, mais d'une tristesse et d'une poésie magnifique. Même moi, le méchant, un peu moins le 2 quand même. Ah, moi, j'ai plus. La première fois que je l'ai vu, j'avais du mal, mais en le revoyant, je l'ai plus apprécié. Tu préfères le que le 1 ? J'aime autant les deux, moi, je suis pas contre. Et toi, t'as un petit avis Les deux sont assez différents, je suis d'accord avec Faye. C'est le premier vraiment introductif, c'est un copier-coller du comics, visuellement, c'est exactement ça. Le 2, il reprend quelques histoires du comics un petit peu, enfin, surtout des ambiances où, encore une fois, Hellboy, qui est vraiment au milieu entre les humains, son rôle, encore une fois, de porteur d'apocalypse, et le monde des féeries qui du coup, il sait pas trop comment se positionner. Ils arrivent bien à enrichir, à capitaliser sur le c'est très ça, bon 2. C'est ça, parce qu'on a vraiment envie de voir ce qu'il va faire en plus sur l'univers, parce qu'on a de nouveau ce rappel de voilà Hellboy qui va détruire le monde à un moment donné, et on a vraiment envie de voir une suite. Et puis en même temps, il arrive à créer un méchant qui est compréhensible, c'est-à-dire on comprend la démarche du gars. Et on peut pas lui en vouloir en fait quelque part, et c'est super intéressant. Et quand je vois ce film là et que je reprends l'exemple de Thor 2 justement où ils avaient essayé de faire des elfes, enfin de développer tout un truc, c'est, je veux dire, le gars il était déjà en avance par rapport à ce qui se fait maintenant. Il y a pas d'auteur et l'ambition qu'il y a derrière. C'est ça, parce que Guillermo del Toro, c'est un mec qui travaille son esthétique, il travaille ses couleurs. C'est sûr que visuellement il est génial. C'est il travaille tous ses plans, il fait du matte painting, il utilise de maquillage, il combine avec des effets des animatroniques, des effets visuels. C'est vraiment un conteur, le mec, et je trouve qu'il mais a malheureusement fait... il a pas de chance. Voilà, c'est un mec qui a pas de chance, mais qui est vraiment Et le 3 était en production. Le 3, alors le 3, c'est pareil, ça fait des années qu'il essaye avec Ron Perlman et tout, bah, c'est et comme il y croit de moins en moins. Ron Perlman a dit il y a pas très longtemps que c'était cuit, qu'il commençait à être vieux, il y croit de moins en moins, les pauvres. Maintenant il va être président des États-Unis, donc il pourra pas tout faire. Voilà. Non, mais franchement, s'il y a des comics, enfin des adaptations de comics à retenir, c'est vraiment les Hellboy de Guillermo del Toro. Les deux, elles sont vraies. Je pourrais vous en parler des heures. Bon, on a parlé longtemps, on va peut-être couper, on va passer à la deuxième pause musicale, qui est aussi une musique de Hellboy comme Rammstein qui était tout à l'heure. Et petite précision, ce que vous écoutez depuis tout à l'heure, c'était Hellboy. Donc, pause musicale, et je sais plus le titre, je crois que c'est Palo Alto. Ouais, bah. Ça va être marrant cette émission. Allez, c'est parti. Buckled up from heaven, feet. feeling like it's poison. When there's no one around, your whole life sectioned off from red ropes, wishing you could see hope, but you're stuck in the ground. With this minute sideshow, let the scenes go, it's obvious that you won't. Would you say it feels slow? Would you stay home? How do you feel? It's how do you feel suffocated? Circles, wondering if it's worth it. You're innocent and ignored, but this mainland system has a glitch in it. Its ignorance has been shown. When you realize it's paid for, wondering where the story's gone, it's how do you feel? And tell me never stops. Feeling heavy, try to steady, it's all you've got. C'était bien Palo Alto et le titre c'était Brivine et c'était un titre de Hellboy. Est-ce que vous avez une petite conclusion vite fait sur Hellboy puisque on est en train de parler de ça quand même? Eh ben moi je dis que c'est un truc pareil, si vous connaissez pas trop en comics et que vous voulez un super univers, moi je vous le conseille. Parce Est-ce que tu conseillerais de commencer par le film puis après de lire les deux films ou ouais, le contraire? Je pense que quand on s'y connaît pas en comics, on peut commencer par le film et après essayer de découvrir un peu plus l'univers parce que quand même ça respecte bien. Et c'est vrai que moi c'est un peu comme ça, j'avais vu le premier film au ciné et après je suis allé à la bibliothèque prendre des tomes de comics pour lire parce que j'avais trop aimé quoi. Et toi c'était un avis Ouais, je suis d'accord avec Faye. Alors le Hellboy, comme je disais un peu en off, en termes de reliés, donc les reliés ça coûte environ une quinzaine d'euros et vous avez quelques numéros US. Hellboy ils en sont à 13 ou 14, la série, le spin-off BPRD en est à 25, donc si jamais vous voulez vous lancer dans Hellboy ça, et vu que c'est passionnant et que tout est bon hélas. Ouais, c'est ce que tu me disais en off, c'est voilà, que vraiment tout c'est, est bon. C'est un certain même quand Mignola n'est plus ouais même que... quand c'est John Arcudi qui scénarise, c'est vraiment bon, ils sont vraiment tous dans le ton. Donc du coup ouais, je suis comme Faye, commencez par les films. même, si vraiment vous accrochez, lisez le comics, et j'ai peur que si vous accrochez, ça va vous coûter du pognon. On est désolé. Désolé. C'est un peu ça. Ou alors, si vous avez une bibliothèque qui propose, comme à Montpellier. Alors, à Montpellier, à la médiathèque Émile Zola, c'est là où je les ai lus, si ça peut vous intéresser. Ouais, voilà. Il y en avait une. Là, vous vous rappelez le numéro d'un vieux pote qui lisait des comics au collège dont vous moquez lui. Vous le rappelez en disant, mais. J'adore ce que tu fais, c'est génial. Du coup, on a fini sur Hellboy. Bon, la conclusion, ce sera lisez du Hellboy, regardez du Hellboy et revive Ron Perlman. Ron Perlman, tu es le meilleur. C'est comme mon Dorothée, mais version mâle. D'accord. Ron Perlman, voilà, on est d'accord. Référence. Ouais. Donc, petit coup de cœur, petites attentes ou pas du tout. Est-ce que t'as. Ouais, je disais que je suis contente parce que j'ai eu les places pour Rogue One. À 6h du matin, je les ai achetés. Ouais. Ouais. Alors qu'ils avaient dit que c'était à, c'était à partir de minuit. Oui, minuit, ouais. Elle m'a fait chier toute la nuit avec ça. Il y avait rien. Toute la nuit. Elle a appuyé sur F5 pendant toute la nuit comme ça. Sur F5, j'étais sur le téléphone et puis après j'ai pris le PC. Attends. Vous avez la mienne, rassurez-moi. Oui, c'est bon. C'est bon. On a pris les places pour tout le monde. À VF la première et VO, séance. C'est bon. Ah. Petit message, si vous voulez nous. Si un jour vous voulez nous croiser, on sera à la première séance de Rogue One au Gaumont Multiplex. Donc le mercredi. 14 décembre à 10h, je crois, des poussières. 10h30 ou 45, je sais. Et on a aussi pris les places pour le lendemain jeudi. En VO. Non, c'est le jeudi en VO, c'était. Oui, le lendemain, du coup. Non. Oui. Mercredi. C'est exact. En général, ouais. Et c'est on vous en parlera. Je crois que à ce moment-là, la radio est fermée, donc peut-être qu'on fera un podcast ou on fera une vidéo. On verra comment on fait ça. De toute façon, il y en aura une sur l'Amical du Geek aussi. Je crois sûrement un coup d'œil, je pense. Est-ce que toi, t'as un petit coup de cœur, petite attente? Il va mourir, Jess. Ouais, en direct. C'est pas filmé là? Non, dommage. Un petit coup de cœur pour un titre dont on a parlé rapidement, qui est Bloodshot Reborn, qui est un titre qui est édité chez Valiant. Ah oui, chez Bliss Comics. Voilà, chez Bliss Comics. Donc Valiant, c'est un éditeur américain. On avait parlé pour le premier podcast, quoi. Ouais, assez. Et en fait, je crois qu'il y a un millionnaire, un peu comme au foot, c'est un millionnaire qui a racheté la franchise et qui a énormément d'ambition. Alors, il veut faire un univers cohérent aussi au cinéma, alors plutôt en web série. Et Bloodshot Reborn. Il y a les deux, il y a la web série et le cinéma qui sont. Les deux, ouais. Qui sont prévus ou que c'est déjà la web série qui la web série est sortie, je crois. Ninjak, je crois qu'il y a eu. Ah, un... Il est en train de sortir, mais c'est complètement séparé. Donc, en général, moi je connais pas trop, c'est des super-héros assez urbains, assez réalistes, assez violents. Assez bourrin, ouais, est-ce que je t'avais fait lire. Et Bloodshot Reborn, c'est un espèce de Punisher sous adrénaline, gavé de nanomachines. J'ai acheté les deux premiers sans trop, parce que surtout pour le scénariste, qui est Jeff Lemire, qui fait. Ouais, mais c'est très bon, c'est très bon. Et c'est très, très le efficace. Le premier est vraiment, vraiment bien. Ouais, c'est vraiment, ça révolutionne rien. Par contre, c'est magnifique. Je fais Miko Suayan, je crois. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté 70-80 dans les. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça m'a vachement plu. Ça rappelle un peu cette époque-là où ça se prenait peut-être un peu moins le chou, t'as pas 50 histoires parallèles, c'est même psychologiquement assez bien écrit. Ouais. C'est une bonne surprise, ça révolutionne rien, mais c'est très très efficace. Ouais, j'avoue, j'avais passé un bon moment avec les tomes de James. Ouais. Et un petit coup de moyen, alors c'est pas fini, mais en ce moment en kiosque chez les X-Men, c'est le gros crossover Apocalypse Wars qui touche les trois séries X-Men. Là, je vais y en parler, mais ils ont dit les équipes créatives et les équipes vraiment sur X-Men Blue et X-Men Gold. Là, c'est vraiment, je te parle du crossover qui sort maintenant. Ouais, pas Résurrection. Là, le crossover autour du personnage de l'Apocalypse, je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, c'est assez moyen. Les trois équipes se rejoignent pas forcément, c'est des histoires parallèles autour d'Apocalypse. J'avais l'impression d'un truc un petit peu plus important. Si c'est un rapport avec le film, ça va peut-être. Heureusement non, mais pour l'instant assez bouef, mais visiblement oui, d'ici quelques mois tout va chambouler, donc on va repartir On va conclure sur ça parce que moi j'ai oublié de noter un coup de cœur ou une attente. C'est la zone. Par contre j'ai une petite annonce à vous faire. On va lancer la chanson pour la conclusion. Je crois que c'est toi qui l'as choisi. Oui, c'est un extrait de Django Unchained, de Freedom, voilà, et de Tarantino. Très bon film. Et pour conclure, moi, on arrive bientôt la semaine prochaine, c'est décembre, et j'ai 2-3 trucs en stock, et je pense qu'on va essayer de faire soit un pack cadeau pour vous offrir. Je sais pas encore comment je vais faire. On va peut-être passer des appels à 2-3 éditeurs s'ils veulent. On va faire la valise Radio Campus. Ouais, la valise Radio Campus. Ça va être plein de comics à offrir. Ça va être génial. Avec notamment, qu'est-ce que je peux vous dire, j'ai du Sticky Pants, donc le blog un peu dégueulasse. Tu te débrouilles. J'ai plein de comics à offrir. Donc le premier de Lock and Key, les carnets de croquis de Jason Latour. Donc des trucs vraiment cool quand même que vous pouvez pas trouver n'importe où. Donc ça c'est cool. Donc on va finir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Comics Discovery, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et sur le site internet. Et sur le site internet comicsdiscovery.fr. Voilà. Et sur ça, on vous dit au revoir. À la semaine prochaine. Allez, ciao. À la semaine prochaine, bye. Gonna shine on me nicely. One day.